travailler comme un nouveau né pour me faire entendre, pour me faire comprendre. Besoin de brailler comme un nouveau né pour me faire entendre, pour me faire comprendre. Quel que soit mes problèmes ou mon avis, toujours le même dilemme, je suis accompli. Besoin de brailler comme un nouveau-né.